pratiquer votre... Travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Le cortège qui, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, conduit la reine au Parlement de Westminster pour y lire le discours du trône, est une illustration extraordinaire de cette différence qui existe entre l'apparat attaché à la chose royale et la réalité du pouvoir incarné par le Premier ministre, chef de la majorité à la Chambre des communes. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le Parlement anglais peut tout faire, sauf changer un homme en femme. On doit cette formule très fameuse, un juriste suisse et calviniste de la fin du XVIIIe siècle, Jean-Louis de Lolme, disciple à la fois de Rousseau et de Montesquieu, et elle a nourri d'âge en âge la culture des étudiants en droit constitutionnel. À telle enseigne que chaque fois que l'on pose, non sans certains motifs, l'Angleterre comme la mère de la démocratie, la Grèce antique étant laissée hors du jeu, la Chambre des communes prend la figure d'un lieu où se concentrerait les plus hautes valeurs des nations libres. On ajoute souvent que c'est l'antériorité de la Grande-Bretagne dans la démocratie parlementaire qui aurait effacé la nécessité d'une constitution écrite qui préciserait les règles. Or, voici qu'un violent affrontement vient d'opposer ces jours-ci à propos du Brexit et d'une possible sortie de l'Europe sans accord, d'un côté le gouvernement, le Premier ministre Boris Johnson, et de l'autre les communes, incarné notamment dans la personne de leur speaker, autrement dit leur président, John Bercow, autour de la question de la légitimité juridique et politique de leur suspension, prolongée au gré du pouvoir exécutif. Du même coup, par-delà les violentes péripéties qui se déroulent, l'envie surgit de considérer l'histoire pluriséculaire du Parlement britannique sur la longue durée, afin de mieux comprendre comment on a pu en arriver là. J'ai donc convié François-Charles Mougel, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Bordeaux et spécialiste des systèmes de pouvoir en Grande-Bretagne, à me rejoindre ce matin pour éclairer, sous la lumière du passé, une situation dont la complexité risquerait, sans elle, de nous laisser désemparés. Et de cela, bien sûr, il n'est pas question. Pour commencer, je vais vous faire entendre Charles de Gaulle, président de la République française, qui se trouvait à Westminster devant le Parlement britannique le 7 avril 1960 lors de son voyage officiel en Grande-Bretagne. Ce sont vos qualités nationales profondes qui ont été les principales causes de vos succès. Mais dans votre réussite, pour combien a compté la valeur de vos institutions ? Au pire moment, qui donc, chez vous, contesta la légitimité et l'autorité de l'État ? Aujourd'hui, à Westminster, je tiens à rendre à l'Angleterre cet hommage dans ce domaine comme dans d'autres. Sûr de vous-même, sans presque en avoir l'air. Vous pratiquez dans la liberté un régime solide et stable. Si fortes sont chez vous la tradition, la loyauté, la règle du jeu, que votre gouvernement est doté tout naturellement de cohésion et de durée, que votre Parlement a au long de chaque législature une majorité assurée, que ce gouvernement et ce Parlement s'accordent en permanence presque vos pouvoirs exécutifs et législatifs, s'équilibrent et collaborent en quelque sorte par définition. Dépourvus de textes constitutionnels minutieusement agencés, mais en vertu d'un irrécusable consentement général, vous pratiquez votre régime dans l'équilibre et dans la sagesse et vous assurez en chaque occasion, vous assurez le bon rendement de la démocratie. Eh bien, c'est cette Angleterre-là, cette Angleterre très sûre d'elle-même, très en ordre, et faisant cependant respecter chez elle la liberté de tous, c'est cette Angleterre-là qui inspire confiance à la France. François-Charles Mougel, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet, et merci de m'inviter. C'est un bonheur de vous accueillir. Je rappelle que le général de Gaulle écrivait toujours lui-même ses discours et les récitait par cœur. Évidemment, j'ai mis quelques malices, outre la considération pour une telle éloquence et un tel propos, mais j'ai mis quelques malices à vous le faire entendre, compte tenu du contraste qu'il y a entre l'idée qu'il pouvait se faire du fonctionnement à l'époque du système politique britannique et ce que nous constatons aujourd'hui. Tout à fait, mais je crois que le texte du général de Gaulle s'inscrit bien dans le regard admiratif que les Français ont pendant très longtemps porté sur le système politique britannique, notamment depuis la fin du XVIIe siècle et jusque fort avant dans le XXe, parce qu'effectivement aussi ça donnait des leçons à la France. Et je pense que le général de Gaulle effectivement aimait à faire valoir que la France pourrait peut-être s'inspirer de la stabilité et de la culture civique, je crois que c'est ça qui était derrière ces propos du Royaume-Uni. Sûr de vous-même sans presque en avoir l'air. Oui, exactement. Évidemment, l'idée de la cohésion, de la durée du pouvoir et de l'équilibre, et de la sagesse, peut nous laisser un peu, comment dire, incertain ces jours-ci. Absolument. Et je crois qu'effectivement, à l'heure actuelle, la démocratie britannique est passablement en difficulté. Eh bien, c'est ce qui va donner, je le pense, du sel à notre conversation pendant une heure, puisque nous allons nous intéresser à l'histoire du Parlement britannique, au premier chef de la Chambre des communes, et naturellement des rapports entre le législatif et le pouvoir exécutif. Jusqu'où faut-il remonter en arrière? Alors, il n'y a pas de date absolue, mais effectivement, donc, la pratique d'une représentation politique remonte en gros aux phases ultérieures de la conquête par Guillaume le Conquérant. Donc 1066, il faut considérer que c'est au cours du XIIe siècle que l'idée d'une représentation des grands intérêts et des grandes puissances, j'allais dire grandes puissances politiques, hein, les grands barons, les grands prélats, s'imposent. Guillaume le Conquérant, après avoir estourbi le roi Hastings, avait pourtant déjà, peut-être est-ce légendaire, fait appel au soutien d'un certain nombre de seigneurs, maintenant une sorte de féodalité. Absolument, et c'est lui qui a d'ailleurs introduit le système féodal venu de Normandie, dont il était duc, en Angleterre, proprement dit, car il faut toujours rappeler que c'est l'Angleterre dont nous parlons. Mais il ne faut pas oublier que cette dynastie donc des rois normands, poursuivie par les Plantagenets, est une dynastie relativement incertaine de ses droits fondamentaux, et souvent d'ailleurs préoccupée par des problèmes étrangers, notamment sur le sol français, beaucoup plus que par ce qui se passe dans l'île même de Grande-Bretagne. Donc il a fallu effectivement garantir une représentation du roi dans les territoires et en même temps la capacité pour le roi d'écouter les territoires. Donc c'est une extension au fond de la cour, hein, de la curia regis, comme on disait autrefois, qui a donné naissance à un conseil privé très large et puis de plus en plus donc à une représentation. Et on considère que dès la fin du XIIe siècle, donc l'idée c'est de s'appuyer sur ces grands pour faire le bon gouvernement. Le roi se justifie par le bon gouvernement. Et pour avoir un bon gouvernement, il faut qu'il soit bien conseillé. Donc ces gens-là ont été considérés comme les meilleurs représentants de la sagesse politique. En fait, la sagesse de leurs intérêts, hein, soyons très clairs. Mais en même temps, donc, ils assurent aussi la stabilité politique et militaire de ce qui se passe dans le Royaume d'Angleterre, quand souvent le roi est parti guerroyer de l'autre côté de la Manche. Et c'est pour ça que la Magna Carta de 1215 a gardé un caractère puissamment symbolique dans la mémoire britannique. Je vais vous le faire vérifier à partir de cette archive. Ce monument, érigé dans une prairie des bords de la Tamise, non loin de Londres, à l'endroit où s'élève aujourd'hui une stèle portant le nom de John Kennedy, commémore l'un des événements les plus importants de l'histoire britannique, la signature en 1215 par le despotique roi Jean sans Terre de la Magna Carta, la Grande Charte, que lui avaient arraché ses barons féodaux épris de liberté. La reine Elisabeth et le prince Philippe ont assisté hier, en la cathédrale Saint-Paul de Londres, à un service solennel célébré pour le 750e anniversaire de cet acte historique. Devant 1500 personnes, le grand chancelier, Lord Denning, a porté en grande pompe l'un des exemplaires originaux de ce texte vénéré depuis le Moyen-Âge comme la base des libertés individuelles anglaises sur laquelle devait s'ériger tout l'édifice de la justice et du code civil de Grande-Bretagne. Alors, c'est un texte assez intéressant. D'abord parce qu'il y a une note d'humour. La reine, finalement, vient célébrer la reddition du pouvoir royal de son ancêtre Jean sans Terre devant des barons qui étaient en train de se révolter. On est bien clair. Et puis, donc, ce texte aussi considère que c'est un élément fondamental de ce qu'on pourrait appeler la Constitution britannique. Ça l'est devenu progressivement, et surtout à partir des 17e et 18e siècles. Au départ, c'est un texte qui est un relevé des demandes de privilèges des grands barons, des grands prélats, et des bourgeois de Londres. Complètement contradictoire avec l'idée de démocratie, en somme. Pas forcément, mais avec l'idée que le roi doit respecter les libertés et les droits de ceux qui l'entourent. Les privilégiés. En essayant d'être le plus représentatif possible, ces privilégiés. C'est pour ça qu'ils sont effectivement nombreux. Mais ce qui est intéressant quand même dans le texte, c'est que dans les 63 articles, car c'est un texte très long, il y a effectivement donc un article 14 qui dit, et ça c'est très important dans la tradition anglaise mais aussi anglo-saxonne, que l'impôt doit être consenti. No taxation without representation. C'est-à-dire que l'impôt doit être consenti par ceux qui le paient. Et il faut savoir qu'en Angleterre, il n'y aura jamais de véritable privilège fiscal comme dans la France d'Ancien Régime. Donc les privilégiés ont certes effectivement la puissance, ont certes l'influence, mais en même temps, ils paient l'impôt. Mais ça, c'est une donnée qui est constatée dans beaucoup d'autres pays. Après oui. Tout, le consentement à l'impôt a toujours été plus ou moins l'origine de la naissance et du développement des parlements. Les états généraux à l'époque de la Fronde ou à l'époque de 1789 en France. Oui, mais nous sommes en 1215. Oui. Donc effectivement, il y a quand même l'antériorité du processus. Et puis il y a aussi donc un article 61 qui dit qu'effectivement, donc si le roi ne respecte pas ses engagements, et notamment les engagements pris lors de son couronnement, de faire le bon gouvernement, de gouverner selon la justice, eh bien, les sujets, en l'occurrence donc les grands du royaume, ont un droit de remontrance et même un droit de révolte. C'est là que le contrôle est installé. C'est là que le contrôle est installé et on a une forme, je dirais, de contre-pouvoir latent. Donc c'est déjà l'idée qui va dominer, c'est que la règle de droit, et elle existe déjà depuis la fin du XIIe siècle, hein, elle est déjà d'ailleurs même matérialisée par toute une série de textes, ce qu'on appelle les statutes, c'est-à-dire des textes écrits qui résument, si vous voulez, les prises de position des différents acteurs politiques en des règles qui sont bien claires. Donc il faut qu'elles soient édictées, il faut qu'elles soient respectées, qu'elles soient appliquées. Si on ne les applique pas, eh bien on a un droit, effectivement, de remontrance, et je le répète, même de révolte. Cette idée va parcourir l'histoire que nous allons considérer. Exactement. Mais de quand date le terme même de parlement? Alors, on n'a pas de date précise, mais on voit déjà depuis le 12e et le début du 13e siècle, c'est un mot français. J'avais lu 1236, oui. Alors, sous Henri III. Sous Henri III, mais on retrouve déjà l'idée de parler ensemble, de parlamento dans les traductions plus ou moins de bas latin, qui explique effectivement. Donc c'est un lieu où on se réunit pour effectivement examiner, et d'ailleurs le terme est repris du vocabulaire politique de l'époque, et examiner les affaires du royaume à intervalles réguliers pour que tout se passe au mieux dans le cadre de la paix. De la paix civile, bien entendu, à l'intérieur du royaume. C'est marqué avec force par Édouard Ier, qu'on a appelé le Justinien anglais. Oui, alors, on prête, et non sans raison d'ailleurs, à Édouard Ier, le Parlement modèle de 1295. Mais il faut se rappeler que le premier Parlement, qui était à peu près représentatif du corps politique britannique, c'est un baron en révolte contre le père d'Édouard Ier, Henri III. Hein, c'est donc Simon de Montfort, qui a eu l'idée, en 1265, pour s'imposer au roi, de réunir qui ? Eh bien, les grands prélats et les grands chefs religieux du royaume, à l'époque nous sommes en catholicité, les grands barons, et c'est ça qui est très intéressant, les représentants des comtés et les représentants des bourgs, c'est-à-dire des gens qui sont élus. C'est-à-dire qu'on est à la fois membre de ce qui va devenir le Parlement, par son statut social, mais aussi par l'élection. Et ce principe-là, c'est la base fondamentale de la représentativité parlementaire. Et c'est aussi effectivement à l'origine de la séparation progressive, ce qui se fait donc au début du XIVe siècle des deux chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. L'une représentant donc les pouvoirs de fait, Église et aristocratie, l'autre un pouvoir économique et social, mais aussi surtout un pouvoir territorial. Les comtés pour les campagnes, les bourgs pour le pouvoir urbain. On retrouve les trois ordres que connaîtra la Révolution française avant... Mais qui n'existent pas juridiquement en Grande-Bretagne. Mais qui existe de fait, la distinction. Oui, mais elle ne s'accompagne d'aucun privilège, ni fiscal, ni juridique. Simplement, effectivement, les membres de la Chambre des Lords auront le droit d'être décapités, alors que les autres doivent être pendus. Mais je doute que ce soit un privilège extraordinairement considérable. Je vous laisse en juger et le vérifier à l'occasion. Nous pouvons avancer. Alors, on voit apparaître François-Charles Mougel, la formule topique de « King in Parliament », le roi dans son parlement. Voilà, alors à cette époque-là, c'est encore le roi qui fait la loi, qui décide, qui gouverne, qui prend toutes les mesures, j'allais dire, militaires ou juridiques qui importent. Mais le principe, c'est une sorte d'organisation du pouvoir en plusieurs éléments qui se complètent, mais qui, à l'occasion, peuvent aussi s'opposer. Et on peut rappeler d'ailleurs que première manifestation du pouvoir des communes, hein, c'est en 1376, quand ce premier speaker, retenu par l'histoire en tout cas, ce fameux Peter de la Mare, va effectivement donc s'opposer au roi Édouard III et effectivement obtenir donc la condamnation d'un de ses favoris. On peut imaginer que l'actuel speaker John Bercow ait ce précédent en tête pour durcir sa volonté, sa capacité de résistance. Ce n'est pas peut-être tout à fait faux, effectivement. Alors on arrive aux Tudors. Alors les Tudors, si vous voulez, prennent la suite d'une dynastie qui s'achève dans le drame, hein, la dynastie des Plantagenets, auquel ils succèdent dans des conditions dynastiques un peu discutables, et c'est le Parlement qui a déjà fait effectivement donc reconnaître tantôt les York, tantôt les Lancastre, qui avant ça d'ailleurs a même abouti à l'élimination politique du roi Richard II. Eh bien, ce sont les membres du Parlement qui vont donc conforter cette dynastie des Tudors et la soutenir. Et là, dans la période du XVIe siècle, puisque c'est la grande période du règne des Tudors, il y a au fond une espèce d'appui réciproque. La monarchie, et notamment Henri VIII, a besoin du Parlement parce que ça va légitimer toute une série de chocs importants pour l'histoire de l'Angleterre, c'est-à-dire la succession, qui est extrêmement difficile. Les affrontements religieux, évidemment. L'affrontement religieux, bien entendu, la réforme, et puis l'établissement d'un véritable État. Même si le mot État, il faut le bannir du vocabulaire anglais, parce qu'ils n'aiment pas du tout ça. Pour eux, c'est « the crown », c'est la couronne. Mais bon, ça revient quand même à l'État. Donc, il y a une sorte d'interpénétration des intérêts du Parlement et de la monarchie à ce moment-là. Et il faut dire d'ailleurs que la monarchie va... d'abord multiplier les sièges aux communes pour établir son influence et récompenser les bourgs fidèles, et que la réforme, en permettant la, nationalisation, on peut utiliser ce terme quand même, des biens de l'Église, va permettre de doter les lords d'un certain nombre de bienfaits, qui, le roi l'espère en tout cas, se traduiront par un soutien politique effectif. Et comme toujours, on voit les juristes venir théoriser ça d'une façon efficace. C'est au XVIe siècle que Thomas Tarquet, en 1530, présente dans son dialogue entre Reginald Pole et Thomas Lobset, texte qui est resté fameux parmi les historiens du droit en Angleterre, et présente les différentes institutions du royaume. Vraiment, on est là, le Parlement qui détient l'autorité politique, le roi représentant le principe monarchique et les lords le principe aristocratique, les communes le principe démocratique. Est-ce que quand vous vous reportez aujourd'hui, vous êtes frappé par la force, la présence de cet héritage-là, disons du XVIe siècle, dans le fonctionnement du système britannique aujourd'hui, ou au contraire frappé par les formidables différences? Eh bien, partage votre sentiment. C'est vrai que Theresa May a voulu, au lendemain donc de sa prise de fonction de Premier ministre, donc en 2016, s'appuyer sur les pouvoirs d'Henri VIII pour pouvoir déclencher la négociation sur le Brexit et le fameux donc article 50, sans passer par une autre institution que celle de la prérogative royale. Et c'est parce qu'une femme d'affaires, Gina Miller, a posé la question aux tribunaux, que finalement, donc, par une cascade judiciaire qui était montée jusqu'à la Cour suprême, celle-ci a décidé que non, on ne pouvait pas utiliser la prérogative royale pour déclencher l'article 50, mais qu'il fallait l'aval du Parlement. Donc, on se retrouve effectivement dans une situation qui rappelle étonnamment celle du XVIe siècle. Mais à l'époque, il y aurait probablement eu accord entre le roi et le Parlement, alors que là, on a eu l'impression qu'il y avait un divorce, en tout cas un conflit de compétences entre le pouvoir exécutif représenté par le Premier ministre, Madame May, et puis la Chambre des communes qui représente le Parlement. Avec assez exceptionnellement le rôle des juges, puisque les défenseurs du système britannique se marquent fiers souvent de ne pas donner pouvoir à un conseil constitutionnel. Là, il y a vraiment une intervention extérieure. Absolument, mais c'est très rare. Il n'y a pas de loi d'exception, il n'y a pas de loi administrative, il n'y a pas d'autre loi que celle que la loi ordinaire que fait le Parlement et que tout autre Parlement peut modifier. Les juges sont déterminés exceptionnellement. Effectivement, ont un pouvoir important parce que c'est toujours ce qu'on appelle the rule of law, le règne de la loi et du droit, qui, lui, procède par précédent. Et donc, par conséquent, donc il faut respecter la procédure qui a déjà été suivie et on essaie de la maintenir tant qu'on peut. Quelle place trouve le XVIIe siècle, le moment de toutes les turbulences, de tous les drames intestins de l'Angleterre, et enfin des îles britanniques, dans cette histoire que nous considérons ce matin, c'est-à-dire l'histoire du Parlement britannique? Alors, le XVIIe siècle est un siècle tragique pour l'Angleterre. C'est le siècle des révolutions. On oublie trop souvent la continuité qui nous frappe. Ne doit pas nous faire oublier que les révolutions ont existé en Angleterre et qu'on en a deux au XVIIe siècle, dont une violente, puisque les Anglais ont été les premiers à décapiter leur roi, le chef premier. Il y avait D'Artagnan sous les chapeaux, vous le confirmez? Je ne pense pas, non. Mais c'est sûr que ce qui s'est produit, c'est que après un siècle de relatif consensus ou de relatif collaboration entre la couronne et le Parlement, nous avons là un conflit, et qui est un conflit non seulement politique, mais j'allais dire presque idéologique. C'est-à-dire que d'un côté, donc les Stuarts, les premiers Stuarts qui vont succéder aux Tudors, je rappelle que Jacques Ier Stuart, le fils de Marie Stuart, succède tout à fait légitimement d'ailleurs à Élisabeth Ière en 1603, mais sont imbus de leur droit divin et veulent, en quelque sorte, une marche vers l'absolutisme. Ce dont s'étaient bien gardés les Tudors, qui avaient pourtant exercé un pouvoir fort autoritaire. Et en face, il se trouve, alors à la fois pour des raisons religieuses, puisque ce sont des puritains, et puis toute une série de protestants plus ou moins systématiques, mais qui s'appuient sur les droits historiques du Parlement. Et vous avez cité Starkey à juste titre tout à l'heure, mais il y en a un autre qu'il faudrait rappeler, c'est Sir Edward Coke, qui a été au début du XVIIe siècle, le théoriciens des droits du Parlement. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent d'abord qu'on respecte leurs droits. Et dans leurs droits, il y a leur liberté. C'est-à-dire que liberté et droit sont en quelque sorte confondus. Et en fonction de cette confusion, donc à leurs yeux extrêmement importante, eh bien, ils exigent que le roi donc limite ses pouvoirs, respecte ceux des représentants de la population, donc les communes en premier chef, et puis donc à ce moment-là accepte de ne pas donner place à des mesures intempestives, autoritaires, notamment fiscales, pratique une politique extérieure plutôt protestante et anti-française et anti-espagnole, donc et fasse quelque chose qui soit conforme à l'intérêt du pays. C'est ça, c'est l'idée, c'est que le Parlement, au fond, représente les intérêts fondamentaux du pays. Et est capable de le définir. Il n'empêche qu'au temps de Cromwell, le Parlement connaît des malaventures, d'abord devenu croupion et ensuite supprimé. On prête souvent à Cromwell l'expression suivante, on ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va. On a le sentiment parfois que là, il savait assez bien où il allait. C'est-à-dire que le conflit qui éclate au début des années 1640, vu qu'il y a même à la fin des années 1630, bon, qui est un conflit de pouvoir entre la monarchie et le Parlement, bon, va dégénérer très vite en une véritable guerre civile. Il y aura des combats, où le roi d'ailleurs jouera un rôle assez trouble, finira donc par se faire prendre, sera jugé et exécuté, comme on le sait, mais il y aura aussi un deuxième combat, j'allais dire idéologique, parce que ce pouvoir qui vient d'exécuter le roi a été souvent très influencé par l'armée. Et une armée qui est beaucoup plus, j'allais dire, revendicative en termes politiques que ne le sont les parlementaires. Ce sont les militaires qui ont voulu dire que tout le pouvoir émane du peuple, ce qui n'était pas du tout la théorie des parlementaires. Les parlementaires disaient « nous représentons le peuple » et donc ce que nous décidons, c'est ce qui est bon pour la nation. Donc là, il y a une sorte de médiatisation par le Parlement qui est rejetée par l'armée et qui aboutira donc à l'épuration du Parlement, voire à sa suppression. On y reviendra peut-être. Chute de Cromwell, enfin plutôt mort de Cromwell, chute de son fils, retour des Suards, oui. Et puis la glorieuse révolution, alors voilà, aboutissant en 1689 à la loi des droits de Bill of Rights, qui pose clairement que la Chambre des communes doit se prononcer sur tout impôt à prélever. C'était pas nouveau, mais c'est réaffirmé avec force, limitant d'autant la marge de manœuvre du souverain. Je cite, « Il est illégal d'invoquer la prérogative royale pour lever des impôts sans le consentement du Parlement. Il est contraire à la loi de lever ou d'entretenir une armée permanente en temps de paix. » Et enfin, last but not least, la liberté de parole et de débat au Parlement ne saurait être remise en cause que par le Parlement lui-même. Et ça, c'est évidemment fondamental. Ah oui, mais ce texte, effectivement, du Bill of Rights, est considéré comme l'élément central de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la Constitution anglaise. Maintenant, la Constitution britannique, mais à l'époque, il est essentiellement anglais. Et il a été imposé au nouveau souverain, hein, Guillaume III et Marie II, puisqu'on en a deux, qui doivent effectivement l'accepter avant de pouvoir être reconnus et ensuite couronnés. C'est la théorie du contrat. Hein, l'inspirateur, j'allais dire, derrière le rideau, hein, c'est John Locke, hein, le grand philosophe politique. Traité sur le gouvernement civil, 1690. Voilà, oui. Voilà, mais il a été écrit avant et il est très influent dans toutes les coteries Whig qui vont aider à la prise du pouvoir de Guillaume III et de Marie II. Donc ce texte contractuel est fondamental et il est encore en vigueur aujourd'hui. Et il influence aussi fortement le regard souvent positif que les hommes des Lumières en France vont jeter sur le système britannique, Montesquieu et Voltaire. Je voudrais que vous écoutiez, que nous écoutions Voltaire, un extrait des Lettres anglaises de 1734 qui est lu ici par Roger Coggio dans l'émission Analyse Spectra de l'Occident du 14 janvier 1961. Ce que Voltaire dit de l'Angleterre et de son régime à ce moment-là mérite, je crois, commentaire. Vous nous donnerez le vôtre. La nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenu à régler le pouvoir des rois en leur résistant et qui, d'effort en effort, ait enfin établi ce gouvernement sage où le prince tout-puissant, pour faire du bien, a les mains liées pour faire le mal, où les seigneurs sont grands sans insolence et sans vassaux, et où le peuple partage le gouvernement sans confusion. La Chambre des pairs et celle des communes sont les arbitres de la nation. Le roi est le surarbitre. Ce peuple n'est pas seulement jaloux de sa liberté, il l'est encore de celle des autres. Les Anglais étaient acharnés contre Louis XIV uniquement parce qu'ils lui croyaient de l'ambition. Ils lui ont fait la guerre de gaieté de cœur, assurément sans aucun intérêt. Il en a coûté sans doute pour établir la liberté en Angleterre. C'est dans des mers de sang qu'on a noyé l'idole du pouvoir despotique. Mais les Anglais ne croient point avoir acheté trop cher de bonnes lois. Les autres nations n'ont pas eu moins de troubles, n'ont pas versé moins de sang qu'eux. Mais ce sang qu'elles ont répandu pour la cause de leur liberté n'a fait que cimenter leur servitude. Les Français pensent que le gouvernement de cette île est plus orageux que la mer qui l'environne, et cela est vrai. Mais c'est quand le roi commence la tempête, c'est quand il veut se rendre le maître du vaisseau dont il n'est que le premier pilote. Les guerres civiles de France ont été plus longues, plus cruelles, plus fécondes en crimes que celles d'Angleterre. Mais de toutes ces guerres civiles, aucune n'a eu une liberté sage pour objet. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. C'est une vision qui vous paraît juste ou optimiste, embellie par le rêve de Voltaire? C'est surtout la vision de Voltaire du gouvernement idéal de la France. Il y a tout de même quand même des vérités sur l'Angleterre, c'est sûr. Mais il y a aussi pas mal d'illusions qui sont entretenues. Le fait de dire, alors est-ce malice de la part de Voltaire ou non, qu'effectivement il n'y a pas de corruption, alors que le système est appelé « old corruption », c'est la vieille corruption. Rappelons que les élections sont manipulées par les aristocrates locaux, par les magnats, par le gouvernement qui exerce officiellement ce qu'on appelle le patronage, c'est-à-dire qui achète et qui distribue des sièges aux communes, qui peut effectivement, par l'attribution de titres, modifier la Chambre des Lords. Il ne le fera pas beaucoup d'ailleurs, mais enfin... Naturellement, les parlementaires ne sont pas payés. C'est l'occasion de citer Talleyrand à Louis XVIII. Si vous ne payez pas vos parlementaires, ils vous coûteront plus cher. Exactement, mais on a toujours pris en Angleterre les membres des élites parlementaires dans les élites sociales. Et au XVIIIe siècle, on ne parle plus d'affrontement de régime, on ne parle plus d'affrontement idéologique, mais on parle des relations entre le pouvoir de la terre, landed interest, et le pouvoir de l'argent, qui sont d'ailleurs liés. Parce qu'au fond, il y a eu un pacte au lendemain de 1688-89, c'est la fondation de la Banque d'Angleterre et de la dette nationale. Et tout le monde contribue à ce système qui redistribue l'argent entre les pouvoirs publics et les puissances financières privées. Et donc, c'est un système qui articule, j'allais dire, tous les intérêts. Donc, l'argent, c'est la corruption, comme vous le dites. C'est aussi le sens, système censitaire. Le système limite censitaire de la démocratie, c'est qu'un tout petit nombre d'Anglais vote. Et un troisième obstacle, c'est le secret. Le secret des délibérations. Il y a un combat qui est fort intéressant, parce qu'on a souvent dit que la presse et la démocratie progressent de conserve. La presse se bat à travers le XVIIIe siècle en Grande-Bretagne pour obtenir le droit, cela paraît étonnant aujourd'hui, de publier les débats qui se sont tenus à la Chambre des communes. C'est exact, et c'est sous George III qu'il y aura effectivement une illustration particulièrement brillante de cet affrontement avec Wilkes, qui se bat effectivement pour les libertés, mais qui n'obtiendra pas le succès escompté. Il faudra attendre effectivement le début du XIXe siècle pour que la liberté de presse soit totalement respectée. Mais il y a des moyens détournés. On prête à l'Angleterre des noms de fantaisie pour dire que dans tel pays, eh bien, s'est passé tel débat et que telle décision a été prise. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il n'y a pas effectivement de retranscription des débats de la Chambre des communes notamment, il y a une opinion politique qui se développe dans, je dirais, l'ensemble du corps social anglais. Les nouvelles circulent. Plus, vous pensez, que dans l'Europe continentale ? Oui, beaucoup plus. Même parce en France. Il n'y a pas véritablement de censure. Au sens, alors il y a une censure du Lord Chancelier, mais qui est plutôt morale que véritablement politique. Une censure tout de même, puisque on n'a pas publié les débats de la Chambre. Alors sur ce plan-là, vous avez raison, mais je dis à part ça, qui est important, vous allez me dire. Eh bien, j'allais vous dire. Il y a tout de même une possibilité de s'informer. Et je crois que ça contribue à et ça se manifeste d'ailleurs dans la politisation des élections. Il y a tout de même, au-delà des centres d'intérêt financiers ou matériels, des idées qui circulent. Si les Whigs ont dominé jusqu'en 1760, c'est bien parce qu'ils représentaient une certaine conception du pouvoir qui va permettre d'ailleurs la naissance du gouvernement de cabinet. Et puis ensuite, ce seront les Tories qui vont s'identifier conservateurs à la lutte contre la Révolution française avec le second Pitt. À partir de vous dites second Pitt parce qu'il y a eu deux premiers ministres, le père et le fils. Et le père et le fils, absolument. Donc le 19e siècle est celui où vous évoquez Whig et Tory, François-Charles Mougel, est le moment où va se préciser le système du bipartisme, qui va se concrétiser spécialement avec l'opposition entre Disraeli, le conservateur, et Gladstone, le libéral, à la fin du 19e siècle. Comment est-ce que c'est arrivé et quelle importance l'a-t-il eu quant à la place, puisque c'est notre sujet ce matin, la place du Parlement dans le système politique britannique? Eh bien, les termes de Whig et Tory apparaissent à la fin du XVIIe siècle. Les Whigs sont plutôt partisans des droits et privilèges du Parlement. Les Tories seraient plutôt du côté de la couronne, mais il n'y a pas d'opposition entre eux. Et puis, donc, progressivement, ces structures vont s'établir au sein des communes. Il ne faut pas oublier que les partis politiques sont nés au Parlement, à l'inverse de la situation de beaucoup d'autres pays. Et donc, c'est une sorte de, pour faire vocabulaire très politiquement correct, c'est du top-down politics. Et à partir du moment où ces partis vont se structurer, ils vont aussi plaider pour une réforme électorale. Parce que le système de la old corruption dont on parlait tout à l'heure devient de plus en plus insupportable. Mais ça va lentement, cette réforme électorale. Ça va très lentement et ça n'arrive qu'en 1832. Une première réforme avec Lord Grey, un Whig qui va s'imposer à Guillaume IV. Timide, redistribution des sièges, augmentation de la proportion des électeurs. Mais le processus est enclenché. Et à partir du moment où, effectivement, il va falloir enregistrer les nouveaux électeurs, les partis vont se mettre en avant. Ils vont naître à partir de clubs, le club du Carlton, qui va effectivement devenir le club conservateur avec les Tories, et puis donc le Reform, le club de la réforme, qui va devenir le berceau du futur parti libéral. Et alors à partir de là, on va décider de faire en sorte que le Parlement agrège les formes de contestation. C'est ça qui est très important, c'est qu'en Angleterre, pour éviter la révolution, le risque de révolution, eh bien, on va essayer d'agréger les demandes politiques, quitte à les refuser. Toujours le souvenir de sanglant du XVIIe siècle. Absolument. Et il faut jamais oublier que ça reste présent à la mémoire des élites gouvernantes. Mais quand on parle de démocratie, on oublie que ce régime, encore une fois, est extrêmement étroit, censitaire. Mmh. Naturellement, les femmes ne votent pas. Non. Mais, et tous les hommes non plus. Le suffrage universel ne surviendra qu'après la guerre de 14-18, voilà, c'est-à-dire longtemps après la France. Il y aura encore une réforme en 1867, puis une autre en 1884-85, mais ce n'est qu'en 1918, vous avez tout à fait raison, que le suffrage universel masculin est établi, mais petit avantage sur la France, les femmes ont droit de vote à l'âge de 30 ans. Oui, il faut attendre 1928 pour que la franchise, comme on dit, franchise, soit uniformisée à 21 ans. Le décor de la Chambre des communes que nous connaissons aujourd'hui et que la télévision évidemment a popularisé remonte à quelle époque ? Alors, l'actuel remonte en fait à aux années 1830, puisque l'ancien Parlement a brûlé en 1834. Donc, on l'a reconstruit dans un style néo-gothique pour bien montrer son ancienneté. Mais c'est un bâtiment typiquement 19e siècle. Westminster, dit De Gaulle avec son accent français. Westminster, qui a d'ailleurs subi les bombardements de la guerre de 1940, qui a détruit complètement la Chambre des communes, ce qui fait que la Chambre des communes, c'est une chambre qui date des années 50. Mais avec toujours la même caractéristique, c'est qu'elle est deux fois trop petite. C'est-à-dire qu'on ne peut y asseoir qu'à peu près 350 députés, alors qu'ils sont actuellement 650. De façon à ce qu'elle ait toujours l'impression d'être remplie. Et puis, elle tient aussi de ses origines, parce que c'était installé dans une chapelle. Elle est non pas organisée en hémicycle, mais avec deux tribunes qui se font face, d'un côté l'opposition, de l'autre le gouvernement, et au fond de la salle, donc, le président, le speaker. Et on ne parle pas d'une tribune, on parle de sa place. Avec le front bench, c'est-à-dire les députés de devant, la majorité et l'opposition, et puis derrière les backbench, c'est-à-dire donc les députés du rang. Pas seulement les nouveaux, mais alors ce sont des gens qui quand même comptent, parce qu'il faut pas oublier que notamment donc dans les années 1920 sont apparus des groupements de députés. Alors c'est très organique dans le parti travailliste, mais dans le parti conservateur, c'est un comité qui s'appelle comité 1922, puisqu'il a été créé en 1922, qui s'est manifesté notamment à l'égard de Madame May, mais pas seulement. Et c'est lui qui fait circuler les mouvements d'opinion, qui en quelque sorte articule la base parlementaire avec le sommet gouvernemental ou le sommet, dans aussi ce qui est caractéristique du système anglais, du gouvernement fantôme, de shadow cabinet, qui lui aussi d'ailleurs se structure à partir des années 1920. Cette fin du 19e, ce 20e siècle sont marqués, n'est-ce pas, par un renforcement de l'exécutif avec participation et élaboration des lois, ce qui est assez nouveau. La plupart des textes désormais émanent des ministères. Tous les ministres sont membres du Parlement et le gouvernement peut impulser une auto-dissolution, comme l'a fait Madame May pour les élections qui l'ont été malheureuses de juin 17. Et c'est toute la question actuelle que pose l'affrontement entre Boris Johnson et le Parlement. C'est une longue histoire parce que... Résumez-la. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que dans les années 1830, s'établit ce qu'on appelle le régime parlementaire. C'est-à-dire un régime dans lequel le gouvernement, qui maintenant est solidaire, il y a une responsabilité collective autour du Premier ministre, est responsable devant le Parlement, c'est-à-dire devant la Chambre des communes. C'est-à-dire que s'il perd la confiance de la Chambre des communes, il doit démissionner. Question qui est posée en ce moment à M. Johnson. Eh bien... le régime parlementaire, donc, à l'époque, dans les milieux des années 1850 à peu près, était encore un régime très flou, très souple, parce que les députés avaient un pouvoir de désignation des premiers ministres, parce qu'ils pouvaient renvoyer des premiers ministres s'ils votaient contre, et c'est arrivé à des gens très importants, y compris d'ailleurs Palmerston. Ils quel moment, Palmerston? 1858. Et ensuite, il y a eu donc une capacité de contrôle. Le gouvernement a d'ailleurs publié des livres bleus pour rendre compte de son action. Il y avait donc un véritable pouvoir législatif qui a été d'ailleurs exalté, on parlait des grands théoriciens, par Walter Bagehot, qui a été en 1867 un magnifique interprète de la Constitution britannique en tant que modèle. B-A-G-E-H-O-T, pour qu'on le retrouve sur la toile. Voilà. Eh bien, ce Bagehot, en fait, a décrit une situation qui est idéale. Depuis, ce sont les gouvernements qui donnent le tempo. Depuis 1902, c'est eux qui ont la mainmise sur l'agenda du Parlement. C'est eux, d'abord, qui peuvent, n'oublions pas, agir sur la composition d'une des chambres, celle dont on ne parle pas toujours, la Chambre des Lords, et puis donc qui peuvent aussi, vous l'avez rappelé, décréter donc la dissolution. Il a été utilisé pour la première fois à titre politique vers 1840, mais maintenant, jusque 2010-2015, le système fonctionnait à la discrétion du Premier ministre. Alors pourquoi je dis 2010-2015? Parce que c'est pendant ce gouvernement de coalition conservateur libéral, que a été décidée une loi qui est en vigueur en ce moment et qui pose pas mal de problèmes au gouvernement présent. C'est une loi qui fixe la durée des législatures à 5 ans et qui ne doit pas être, remise en cause, sauf avec une majorité des 2/3 des communes, ce qui n'est pas du tout évident, ou circonstances exceptionnelles. Le droit de dissolution appartient en France au chef de l'État. Ici, le Parlement peut s'auto-dissoudre. Alors, il pourrait s'auto-dissoudre, peut-être pas totalement, mais... Quand Theresa May a organisé des élections générales, elle a obtenu effectivement cette possibilité. On peut toujours jouer dessus, mais il y a quand même une possibilité qui, aujourd'hui, peut effectivement, de manière certaine, intervenir dans le destin du Parlement actuel. Et puis, il y a l'arrivée du principe du référendum, qui est tout à fait contraire à l'origine, à l'idée de la souveraineté absolue du Parlement. Absolument. Et qui mérite qu'on s'y attarde un instant, puisque c'est notamment d'actualité depuis quelque temps. Oui, surtout que le premier référendum de l'histoire britannique, c'est 1975, et c'est sur l'Europe. Et c'est sur l'Europe, puisque le gouvernement travailliste de l'époque veut renégocier les conditions dans lesquelles son prédécesseur conservateur a négocié l'entrée du Royaume-Uni dans ce qui était à l'époque la Communauté économique européenne. Harold Wilson. Et voilà, donc Harold Wilson fait une renégociation, la propose à l'ensemble de la société britannique, et il y a 67%, les Britanniques, à part deux, trois petites îles écossaises, votent l'entrée dans la CE. Donc il y a eu un enthousiasme, c'est quand même les deux tiers. Alors que la dernière fois, on sait que l'avis de l'ensemble du Parlement était contraire à celui qu'a exprimé le peuple dans le référendum Cameron qui a décidé le Brexit. Oui, alors ce référendum de 2016 est d'abord de 52-48, donc les proportions sont tout à fait faibles, et il donne des résultats inégaux. L'Angleterre a voté, c'est vrai, donc en majorité pour le Brexit, mais il faut pas oublier que l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté pour le Remain. Donc ça introduit un biais, j'allais dire, territorial, mais aussi sociologique, politique, dans l'unité du Royaume-Uni. Le paradoxe, c'est que on a des Brexiteurs qui veulent défendre l'unité du Royaume, qui veulent défendre les droits du Parlement, et qui ne cherchent qu'une chose, c'est d'abord à contourner le Parlement, et risque de provoquer l'éclatement du Royaume-Uni. Avec de surcroît, toujours à propos du référendum, l'éventualité de référendum en Écosse, en Irlande du Nord, et pourquoi pas dans le Pays de Galles. Et il y en a eu un aussi. Oui, bien sûr, quant à une indépendance possible. C'est pas impossible. On a même reconnu d'ailleurs des droits à la Cornouaille celtique. Pas au point d'ailleurs de la rendre indépendante, mais enfin quand même. Et puis il faut pas oublier que Londres aussi a un maire élu après référendum, qui était d'ailleurs le fameux Boris Johnson. C'est pas le premier, mais il a été un des maires les plus célèbres. Vous évoquiez François-Charles Mougel, la Chambre des Lords. Puisque nous parlons du Parlement, il faut que nous en disions un mot. Ça peut apparaître comme un monadnoque, comme on dit en géologie, une sorte de but témoin, ou est-ce davantage? Je rappelle un épisode qui avait frappé l'opinion, le moment où le fils d'un lord, qui était en fait un travailliste de gauche, qui était Wedgwood Benn, avait refusé, à la mort de son père, de siéger chez les lords, avec une aspiration qui a été contrariée de la façon que vous allez voir. C'est une interview de Jacques-Olivier Chattard dans Interactualité du 28 juillet 1961. En novembre 1960, à la mort de Lord Stangate, son père, Mr. Wedgwood Benn, qui représente la circonscription de Bristol depuis 10 ans, devient automatiquement père du royaume. Mais ce nouveau lord refuse de siéger à la Chambre des lords. Il rejette ce titre de noblesse qu'un accident de naissance lui confère. Il est député, il veut rester député. C'est pour lui une question de principe. Il engage alors une longue bataille contre 15 siècles de tradition. À Bristol, son siège est déclaré vacant. Il se représente, les habitants de Bristol le plébiscitent, il est réélu avec plus de 13 000 voix de majorité. Mais le jour où il vient prendre son siège aux communes, un huissier lui barre la route sur ordre du speaker. Va-t-il abandonner la partie? Eh bien non, il entreprend de convaincre lui-même un tribunal électoral spécial qu'il est en droit de renoncer à son titre héréditaire. Durant des semaines, il fouille les archives des communes et de la Chambre des Lords à la recherche de précédents pour étayer sa cause. Et c'est à ce moment-là qu'il me déclarait: la Chambre des Lords est un musée, n'est-ce pas? Il n'est pas de vitalité dans les lords en Angleterre. Mais c'est une sévère condamnation de la Chambre des Lords, ce que vous me dites là. Oui, mais l'élément héréditaire est absolument démodé et périmé aujourd'hui. Donc vous n'auriez pas voulu servir votre pays à la Chambre des Lords? Non, non. Eh bien, ce matin, les deux juges du tribunal électoral ont déclaré son adversaire conservateur, Mr. Sinclair, légalement élu député de Bristol. Ils ont renvoyé Lord Stangate, au musée des Lords, et l'ont en outre condamné à payer les frais du procès, c'est-à-dire 10 millions d'anciens francs. Alors elle est toujours là, la Chambre des Lords. Oui, et d'ailleurs Wedgwood Benn aura gain de cause en 1963, puisque la nouvelle loi d'ailleurs permettra à des pairs en titre de renoncer. Et en 63 d'ailleurs, ça va permettre au Parti conservateur de désigner donc Lord Home sous son titre donc de Sir Alec Douglas Hume et de devenir Premier ministre. Donc c'est en 1911 qu'on a réformé pour la première fois la Chambre des Lords. Pour diminuer son pouvoir. Voilà. Alors, son pouvoir avait décliné, d'ailleurs, depuis très longtemps, puisqu'il était admis, d'ailleurs, même depuis le Moyen-Âge, hein, que c'était, au fond, les communes, parce que c'est elles qui finançaient et qui votaient l'impôt, donc, qui avaient la priorité et la primauté politique sur la Chambre des Lords. La Chambre des Lords conservant une sorte de primauté sociale, décorative. Hein, Bagehot parlait d'un élément dignifiant de la Constitution, mais sans véritable pouvoir. En 1911, on réduit effectivement les pouvoirs des lords. Ils perdent leur pouvoir sur les textes à caractère financier et ont un veto seulement suspensif de 2 ans sur les autres textes, qui sera réduit d'ailleurs à 1 an en 1949. Alors il y a toutes sortes de projets de réduction des pouvoirs des lords, de suppression. On peut rappeler d'ailleurs que Tony Blair, en 1999, a encore porté atteinte au pouvoir des lords, puisque donc les pères héréditaires ont été en quelque sorte décapités, enfin politiquement décapités. Il n'y a plus de lords héréditaires. Alors, il y en reste 92, mais bon, on pense qu'effectivement leurs pouvoirs seront réduits à néant progressivement au profit des pères viagers, puisque depuis 1958, donc la majorité des pères, il y a une loi qui a été passée en ce sens, donc sont des pères viagers, pères et pairesses, puisque donc ça a permis aussi de faire rentrer un très grand nombre de femmes à la chambre des lords. Tout de même, le doyen actuellement a 98 ans, et on comprend que du côté de la chambre des communes, on regarde parfois avec commisération en direction. Oui, mais on est très content d'aller. On a connu ça avec le Sénat sous la Troisième République. Mais enfin, c'est du côté des communes qu'on raconte qu'un lord rencontre un autre et lui dit : tiens, il me semblait être allé à tes obsèques. Tu es encore là ? Oui, c'est un peu méchant, parce que finalement, la Chambre des Lords aujourd'hui, alors bien sûr, elle rassemble des gens qui ont rendu des services, alors des services de tout genre. Au cénacle politique conservateur ou travailliste. Mais elle s'oriente un peu plus vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de conseil économique, social, environnemental à la française. C'est une espèce d'assemblée de sages. Et il faut pas oublier que les lords se sont opposés à Margaret Thatcher, à Tony Blair. Ils ont souvent été les interprètes des réactions du public. Hein, celui qui manifestait dans la rue, mais qui n'avait plus la parole aux communes, puisque pendant ces deux grand règne, j'allais dire, hein, de Margaret Thatcher et de Tony Blair, au fond, on a des parlements dominés par un seul parti. On n'a plus de véritable bipartisme. Et par un exécutif qui est encore, extrêmement fort. On n'a pas parlé du système électoral, il faut en dire un mot avant que nous achevions cette émission, car c'est très important. On ne sait pas toujours que le système électoral est tout à fait spécifique, puisqu'il s'agit d'un système à un seul tour, oui. Le premier obtenant le siège, ce qui aboutit évidemment à des déformations par rapport à l'opinion. On connaît bien en France et ailleurs cette nécessité de compromis entre l'efficacité de l'action publique et la représentation fidèle de la nation. Mais là, ça va très loin, puisque par exemple, le parti l'UKIP, qui avait 12% des suffrages, le parti qui portait l'extrême pointe du combat pour le Brexit, n'avait qu'un seul siège, avec 12% des suffrages. Alors, cette histoire remonte au fond à un certain passé, puisque jusque aux années 1880, beaucoup de circonscriptions élisaient en même temps 2 députés. Donc, au fond, on avait tendance à mettre un conservateur et un libéral. Donc, ça posait pas trop de problèmes. À partir de 1885, c'est le scrutin uninominal qui se généralise en 1948, enfin, qui est déjà établi donc à la fin du 19e. Et on a quand même gardé le principe du un seul tour pour les élections. Alors ça déforme énormément. Ça n'empêche pas d'abord les alternances, qui ont été maintes fois répétées. Et puis ça aussi n'a pas empêché les éclatements. Parce que à plusieurs reprises, dans l'entre-deux-guerres, vous avez un tripartisme de fait. Depuis quelques années, vous avez près d'une dizaine de partis qui sont représentés à la Chambre des communes. Donc, le système électoral n'est pas forcément responsable des mauvais fonctionnement de certains aspects de la politique des communes. Ni forcément le Parlement de cette sorte de mise en pièce du système du bipartisme qui dominait sa vie quotidienne, en somme. Et il faut reconnaître que dans les dernières années, disons les deux dernières décennies, le Parlement, de fait, britannique, a dû constater une diminution sous différents effets, une diminution de son pouvoir. Il y a bien sûr le Parlement européen, jusqu'à présent en tout cas, il y a aussi la Cour européenne de justice. C'est important, non ? Et tout à fait. Dans un pays qui se veut le maître de son droit et qui se veut régi par la règle de droit, le fait de ne pas pouvoir la déterminer librement et d'être soumis à des jugements extérieurs lui paraît absolument abominable. C'est une des causes probables du sentiment de rejet de l'Europe qui se manifeste d'une bonne partie de l'électorat britannique. Alors, est-ce qu'on est début d'une crise de la démocratie? C'est la question qu'on peut se poser. Et où sont les intérêts du pays? Eh bien, nous laissons cette question ouverte. Et la réponse risque de venir rapidement. Très rapidement. Nous sommes vraiment au cœur de l'actualité. Merci beaucoup, François-Charles Mougel. Parmi les ouvrages de référence sur ce sujet du Parlement britannique dans la longue durée, il faut citer d'abord votre ouvrage, François-Charles Mougel, « Une histoire du Royaume-Uni de 1900 à nos jours » chez Perrin en 2014. Et puis un autre qui est important également, qui s'appelle « Les élites britanniques de la glorieuse révolution » à Tony Blair chez Ellipse en 2007. Au fond, tout ce que nous avons évoqué ensemble, c'est la question de la dialectique du pouvoir du peuple dans son entièreté et des élites d'autre part. Il y a eu une sorte de série de concessions successives. Oui, mais le principe du système politique britannique, c'est l'incrémentalisme, c'est-à-dire la réforme au vu des besoins et des circonstances. Et on en est encore dans une phase nouvelle. C'est cyclique. Et donc, ça ne surprendra pas les Britanniques de voir que le système risque encore d'évoluer. Votre livre est de 2007. Est-ce qu'il pourrait éclairer à vos yeux ce qui s'est passé au moment du Brexit, où il y a eu vraiment un divorce entre la majorité des classes populaires et les élites? Oui, c'est le problème de l'establishment. Jusqu'au début du XXIe siècle, l'establishment avait réussi à garder ou reconquérir des positions de pouvoir. Et là, il s'est fait désavouer par le peuple. Il y a une espèce de hiatus qui est en train de se produire et qui est grave, parce que le conflit qui se précise ou qui semble émerger, c'est entre le peuple et le Parlement, ce qui est quand même aberrant. C'est déjà arrivé en fait quand même au XVIIIe siècle, sur des personnes où c'était seules les élites censitaires Elles arrivaient à légitimer leur place parce qu'elles semblaient et à affirmer, incarner l'intérêt national. Or là, on a l'impression que ces élites, c'est les élites mondialisées et qui ne s'intéressent plus au devenir du bon peuple britannique. On rejoint d'ailleurs le fait que le Parlement s'est trouvé quelque peu affaibli par l'entrée dans l'Europe, incontestablement, par le pouvoir du Parlement européen, par la mondialisation également. C'est certain. Est-ce que la montée des populismes va là aussi infléchir des traditions multiséculaires? On peut peut-être se poser la question, on peut peut-être aussi s'en inquiéter. Nous sommes historiens, nous ne sommes pas prophètes. Je voudrais citer aussi le livre de Bernard Cottret, « Histoire de l'Angleterre », paru chez Talendier en 2007, qui est d'un abord facile et qui est tout à fait précieux. Et puis le livre de Roland Marx, « Histoire de la Grande-Bretagne », c'est une édition ancienne, un très bon livre qui avait été revu récemment par Philippe Chassaigne, reparu chez Perrin en 2004. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission à votre gré. Samedi prochain, nous parlerons de la figure de l'écrivain national. Ce sera dans le cadre de la prochaine arrivée des cendres de Maurice Genevoix au Panthéon. Nous parlerons de la France, mais nous parlerons aussi des autres pays pour comparaison. Et je recevrai Anne-Marie Thiès, qui publie un livre important sur ce sujet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitilde Gavrilov et Claire Poinsignon, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Pierre Monteil à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique de Saint-Pastou. Et maintenant, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission familière à tous, Affaires étrangères.